Une fois, rien qu'une fois, cela n'a coûté qu'un regard. Pas perçant, presque froid, pas méprisant mais sans égard pour celui qui t'avait trahi. Une lame invisible dans l'espace, coupant temps et sentiments, achevant vengeance tenace, les espoirs survivants. Mais quelle peine, quelle désillusion, choisir le droit ou le pardon. Ont éteint les siens fatigués, vidés de rêves et d'honneur. Pauvre ami qui t'avait servi, le silence tendu à parler, emplissant l'air de glace. Il a gelé les mots mort-nés, les figeant cristaux sur place. Mais quelle peine, quelle désillusion, choisir le droit. Restera tout seul, scrutant l'absence, plein d'effroi. Avec tes regrets pour linceul, tes remords pour chemin de croix. Sans amis,